a fait trop, tu es parti trop tôt. Parti trop tôt. Ce voyage était une folie et maintenant tu t'appelles Mélancolie. T'avertis personne, tu rejoins les frères Dalton. Les frères Dalton. Bien sûr, ça va pas changer le monde. Tu sais, tu vas nous manquer sur les ondes. C'était un jeudi, souviens-toi, souviens-toi. Joe, souviens-toi. Plus jamais tu nous diras salut, c'est encore moi, oiseau blanc, prisonnier du ciel. Malgré ton absence, ta musique est présente. Et bien présente. Quand l'été revient, y'a plus de signes indiens. Notre Dassin est parti trop loin. C'était un jeudi, souviens-toi, souviens-toi. Joe, souviens-toi.